Bonjour frères et sœurs, arrivé à ce point-ci, j'espère que vous avez écouté les trois premiers messages de la série parce que vous n'aurez pas un point de vue très équilibré du sujet si vous commencez par ce message. Si vous commencez par écouter ce message sans avoir écouté les précédents, mais ce serait un peu comme vous jeter dans un étang d'eau glacée. Alors, dans l'intérêt d'une bonne compréhension, écoutez les messages précédents de la série. Vous allez beaucoup mieux comprendre par la suite. Bon, la perte du salut. Laissez-moi commencer par une petite histoire, une histoire malheureusement vraie, une histoire qui se renouvelle encore et encore dans les églises. L'histoire est celle-ci. J'ai connu un homme qui menait une très mauvaise vie. Il était menteur, voleur, profiteur, batailleur, ivrogne, batteur de femmes, et vivait dans une fornication continuelle depuis des années et des années. Il traitait sa mère de folle, la faisait pleurer, lui volait de l'argent et j'en passe. Vous voyez le genre. Un jour, un pasteur va le voir chez lui et lui parle de l'Évangile. Cet homme fut touché au plus profond de son cœur. Il a vu d'un seul coup tous les péchés qu'il avait commis depuis 25 ans. Il s'est jeté à genoux devant le Seigneur. Il s'est repenti avec de grands cris et avec effusion de larmes. Une vraie conversion à la Marie-Madeleine, là. Il s'est relevé de là, rempli du Saint-Esprit. Il a rompu avec tous ses péchés d'un seul coup. Il s'est consacré à vivre pour le Seigneur de tout son cœur. Il s'est marié, s'est construit une maison. Il a commencé à reconstruire sa vie. Il s'est joint à une église et il est demeuré sobre pendant 4 ans. Mais la première erreur qu'il a faite, c'est de se joindre à une église baptiste où on s'est empressé de lui expliquer le salut. On lui a dit que le salut ne se perdait pas, même s'il lui arrivait un jour de retourner en arrière et de vivre dans ses anciens péchés. On lui a dit qu'une fois sauvé, il ne pouvait plus perdre son salut. Cet homme-là a cru ce que ce pasteur lui racontait. Et l'ennemi s'est mis à le travailler dans sa tête avec cette idée. La chose n'est pas arrivée du jour au lendemain, mais de jour en jour, l'idée lui revenait. Le diable lui soufflait à l'oreille « Pourquoi tu retournes pas à l'hôtel revoir tes anciens amis? Juste pour prendre un jus d'orange et juste pour parler avec eux. Tu ne perdras pas ton salut pour si peu. » Mais il a pris l'habitude de le faire. Là, ses précieux amis ont commencé à le travailler eux aussi tranquillement. Il voyait toutes ces belles femmes se promener autour de lui et l'ennemi lui rappelait de très beaux souvenirs. Cet homme-là a persévéré dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit, environ 4 ans, fidèle à l'Église et fidèle en dehors de l'Église. Un jour qu'il était à l'hôtel avec un de ses anciens amis, il s'est commandé une bière. Il ne l'a pas bu tout de suite, il l'a regardé pendant très très longtemps. La voix du Seigneur lui soufflait dans l'oreille de ne pas céder à la tentation. Et la voix de l'ennemi lui soufflait dans l'autre oreille de la boire, cette bière. « Vas-y, hein, tu perdras pas ton salut, tu vas rester sauvé quand même, c'est pas pour une bière. Hein. » Alors le type a fini par céder et il est retombé dans l'alcool. L'alcool l'a fait retomber dans la fornication. Il a battu sa femme à coups de pied dans les côtes. Ils ont divorcé. Il a été obligé de vendre sa maison. Il a bu tout l'argent. Il est retombé 7 fois plus bas qu'il était auparavant. Et aujourd'hui, ça fait 35 ans de ça. Il est encore dans sa vieille vie de péché et ne veut plus qu'on lui parle de Dieu. Et ça, mes amis, c'est une histoire parmi des milliers d'autres. Alors je vous dis que ceux qui auront enseigné cette doctrine à scandale devront rendre de terribles comptes au Seigneur. Jésus a dit « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, » il faudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Je suis croyant depuis plus de 41 ans et je suis un enseignant de la Bible. J'ai également étudié l'histoire de l'Église et je puis assurer que la doctrine d'un salut qui ne se perd pas est une croyance qui n'a jamais existé parmi les premiers chrétiens des premiers siècles, ni même des 15 premiers siècles. C'est à l'époque de la Réforme que cette doctrine est sortie de terre en même temps qu'une foule d'autres doctrines nouvelles et scandaleuses. Alors, dans ce message-ci, je vais vous donner toute une liste de versets qui dit clairement qu'un croyant peut perdre son salut et sous quelles conditions. Je me suis efforcé de glaner tous les versets, mais je suis un être humain, je crois que mon étude n'est pas exhaustive, là, j'ai pu en avoir oublié. Mais je vais quand même donner une liste assez complète. 1 Jean 3,15 « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » On parle bien de deux chrétiens ici, parce que Jean dit qu'il s'agit de frères. Alors oui, un vrai chrétien peut perdre la vie éternelle s'il se laisse glisser dans la haine, donc perdre son salut. On nous donne souvent l'argument suivant tiré d'une logique toute humaine. Si tu as un enfant qui tourne mal, est-ce qu'il va cesser d'être ton enfant pour autant? Non. Alors c'est la même chose avec Dieu. Quand on devient un enfant de Dieu et qu'on retourne en arrière, on ne perd pas notre statut d'enfant de Dieu. Donc, on ne perd pas notre salut. Voilà le beau raisonnement tout humain que l'on nous donne, mais qui n'est pas tiré de la Bible. Alors laissez-moi utiliser vos propres arguments. Quand un enfant sort de la maison de son père et va jouer dans la rue et se fait tuer, est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas en sécurité dans la maison de son père? Non, ça signifie qu'il aurait dû demeurer dans la maison. Cet enfant n'a pas perdu sa sécurité. Il en est sorti de lui-même. C'est la même chose pour le salut. Il est dit quelque part que sa maison, c'est nous. Alors, tant que nous demeurons dans la maison de Christ, tant que nous demeurons en Christ, nous sommes en sécurité. Aujourd'hui, les chrétiens confondent les choses. La perte du salut n'est pas en contradiction avec la sécurité du salut. La sécurité de notre salut est assurée tant que nous demeurons en Christ. Et la perte du salut est de même assurée si nous n'y demeurons pas. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. C'est un concept logique et très facile à comprendre. Josué 2, 18 et 19. Les espions dirent à Rahab, « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. » Voyez-vous, c'est la même chose dans le Seigneur. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comparons maintenant deux textes, Deutéronome 31, 6, 8, que l'on donne habituellement comme argument en faveur d'un salut qui ne se perd pas. Je cite, « Fortifiez-vous, prenez courage, ne craignez pas, ne soyez point effrayés devant eux, car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche devant toi, il ne te laissera point et ne t'abandonnera point. C'est l'Éternel qui marche devant toi, il sera lui-même avec toi, et ne te laissera point et ne t'abandonnera point, ne crains point et ne sois point effrayé. » Apocalypse 2, 4 maintenant. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voyez-vous, Dieu n'abandonne personne, mais n'empêche personne de l'abandonner. Le premier verset de Deutéronome nous montre la sécurité du salut et le deuxième, eh bien, la liberté humaine. Voilà la vraie et juste doctrine biblique. Dieu ne va pas retenir attachés à lui contre leur volonté les chrétiens qui veulent abandonner et retourner dans le monde, parce que dans ce cas-là, il ne s'agirait plus de sécurité du salut, mais d'emprisonnement. Le problème, c'est qu'une personne qui aime le Seigneur de tout son cœur ne comprend pas que l'on puisse abandonner le Seigneur après l'avoir connu. C'est impensable pour lui, mais ce qui est impensable pour nous ne l'est pas pour tout le monde. En 41 ans de vie chrétienne, j'en ai vu un sacré paquet qui ont bien commencé. Et après plusieurs années, je les ai vus graduellement rétrograder et tout balancer. Et même plus, ils se forcent aujourd'hui pour oublier tout ce qu'ils ont vécu. Il n'est pas possible au diable d'enlever des bras de Jésus-Christ les brebis qui sont à lui, à moins que les brebis sautent d'elles-mêmes par terre pour s'enfuir. Il est certain que Dieu ne nous abandonne jamais si nous ne l'abandonnons les premiers. Pourquoi le diable perdrait son temps à nous tenter si le salut ne se perdait pas? 2 Timothée 4:10. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voilà un autre exemple d'évangéliste qui rétrograde et qui perd son salut. parce que sombrer dans les péchés du monde, c'est servir le diable, ce n'est plus servir Jésus-Christ et ce n'est plus être un enfant de Dieu. Matthieu 11, 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Remarquons premièrement que Matthieu, qui a écrit cet évangile, a inclus Judas au nombre des disciples. Il n'a pas écrit « aux 11 disciples », comme pour souligner le fait que Judas était un faux disciple, une sorte d'imposteur parmi les autres, mais il a écrit « à ses 12 disciples ». Judas n'était pas un imposteur, mais un véritable apôtre à même titre que les autres. En Actes 1, 25, Pierre dit « ce ministère est à cet apostolat que Judas a abandonné ». Voyez-vous le mot « abandonné » ici encore? Son ministère venait vraiment du Seigneur. Son ministère d'apôtre était authentique, Pierre le dit ici. Nous sommes entrés en alliance avec Dieu. Dieu a promis d'être toujours avec nous, mais remplirons-nous notre part du contrat, qui est de demeurer toujours avec lui. En Exode 32, 32, Moïse dit au Seigneur, « Efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Il s'agissait du livre de vie. Apocalypse 3, 5, « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Où est-il dit ici, « Sauver un jour, sauver toujours » Sachez, mes amis, que rien n'est joué tant que nous ne serons pas arrivés de l'autre côté et que nous n'ayons tout vaincu. Avant d'être sauvés pour l'éternité, il faut être entré dans l'éternité, être jugé et déclaré bon et fidèle serviteur. Psaume 69, 29. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Vous voyez, c'est possible d'avoir été sauvé un jour et d'avoir perdu son salut ensuite. 2 Timothée 2, 12. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Quand Paul dit ici « nous », de qui parle-t-il? Si nous le renions, il parle de nous, les chrétiens. Si renier le Christ ne faisait pas perdre le salut, alors pourquoi ces centaines de milliers de chrétiens, durant les persécutions romaines, ont accepté de mourir martyrs plutôt que de le renier? Pourquoi ne l'ont-ils pas renié? Parce qu'ils savaient que le Christ avait dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Une autre traduction a rendu « Quiconque se déclarera publiquement pour moi. » « Mais quiconque me reniera devant les hommes. » Une autre traduction a rendu « Celui qui m'aura renoncé devant les hommes. Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors quand le Christ renie une personne devant son Père même, je ne crois pas que cette personne garde son salut. Si les premiers chrétiens ont enduré les tortures et la mort, c'est parce qu'ils savaient que s'ils reniaient le Maître, ils étaient pour perdre le salut. Jean 15, 4 et 6. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Est-ce que les incroyants peuvent demeurer en Christ? Non. Il n'y a qu'un vrai chrétien qui puisse demeurer en Christ. Alors, osez encore me dire qu'il ne s'agit pas ici de la perte du salut dans ce verset. Le Seigneur ne nous exhorterait pas à demeurer en lui s'il n'était pas possible d'en sortir. Et le fait d'être jeté au feu, mes amis, fait clairement référence au lac de feu qui est l'enfer. Un ancien d'une église baptiste me dit un jour, « Et Jocelyn, ce verset-là, eh bien, on essaie de ne pas en parler trop, parce qu'on ne sait vraiment pas comment il faut le comprendre. » Alors, je l'ai remercié de la confidence, de l'honnêteté, mais moi, je pense qu'il voulait dire qu'il ne savait pas comment il fallait le tordre pour le faire aller dans le sens de leur petite doctrine chérie, là. Sauvé, toujours sauvé. Les paroles du Seigneur sont difficiles à tordre. Les paroles de Paul sont faciles à tordre, mais pas celles du Christ. Matthieu 5, 13 maintenant. Jésus s'adresse à ses disciples. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si vous perdez votre saveur, autrement dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » En d'autres mots, vous ne servez plus qu'à être jeté dehors. Ce qui revient au verset précédent, perdre sa saveur, c'est perdre son salut. Le chrétien qui tombe en état de tiédeur tombe en disgrâce devant Dieu et devant les hommes. Il devient un anti-témoignage, et ça, mes amis, c'est très grave. Le salut se perdra pour les chrétiens qui auront été méchants et qui auront fait le mal. 2 Corinthiens 5:10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Paul parle ici des chrétiens. Et pourquoi Paul prend ici l'exemple d'un tribunal? Quelqu'un me dit un jour, le tribunal de Christ, c'est là où nous allons recevoir nos récompenses. Je ne sais pas si vous avez déjà comparu devant un tribunal, mais ce n'est pas un endroit où l'on distribue des bonbons, mes amis, mais des sentences punitives. Au tribunal de Christ, les bons serviteurs recevront peut-être les louanges qui leur seront dues, mais ce sera surtout un endroit où les croyants négligents recevront des réprimandes. D'autres seront battus de verges, nous dit Luc 12:48, et d'autres seront carrément jetés dehors du royaume. Voilà la vraie doctrine biblique et évangélique. Apocalypse 22:12 maintenant. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre chacun selon ses œuvres. » Des rétributions, c'est ce qu'on a mérité, soit en bien, soit en mal. Récompense ou punition, louange ou châtiment. La définition du dictionnaire est la suivante. Dans le domaine moral et religieux, il s'agit de récompense ou de punition, matérielle ou spirituelle, qui valent à une personne ses actions. Mais je souligne au passage là que aucun péché de faiblesse ne fait perdre notre position de salut en Christ. Il y a tellement de jeunes chrétiens que le diable tourmente, le diable leur dit qu'ils ont perdu leur salut. Alors ils sont en détresse puis ils ne savent pas vers qui se tourner pour résoudre ce dilemme dans leur vie. S'il y a des jeunes chrétiens qui m'écoutent, je dis ne craignez pas. Si vous avez l'assurance de votre salut, gardez-le. Ce n'est pas un péché qui va vous faire perdre le salut. Ce n'est pas sans péché qui va vous faire perdre votre salut. Aucun péché de faiblesse ne fait perdre notre salut et notre position en Christ. Ce sont les péchés de méchanceté, de stérilité, de dureté et d'orgueil qui fermera la porte du royaume à tous ces chrétiens indignes. Jésus a porté toutes les faiblesses sur la croix. Personne ne perdra son salut pour cause de faiblesse devant certains péchés. La faiblesse n'est pas un péché. La faiblesse est même un ingrédient essentiel de l'humilité. Si vous péchez 20 fois par jour et que 20 fois vous retournez au Seigneur avec repentance, le sang de Christ vous purifiera 20 fois de toute iniquité. Alors ne craignez rien, ne craignez pas de perdre votre salut. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Personne ne peut vous arracher des bras de Jésus-Christ si vous l'aimez. L'amour renseigne notre assurance de salut, la certitude de notre salut. Tous ces pauvres chrétiens qui luttent contre la clarté des passages concernant la perte du salut sont d'habitude ceux qui veulent échapper à leur responsabilité de marcher d'une manière digne du Seigneur et de pouvoir conserver leur petit péché préféré. Ils défendent des doctrines fausses qui les justifient. Quand on défend une doctrine fausse, mes amis, c'est qu'on a un cœur faux. Quand on défend une doctrine tiède, c'est qu'on a un cœur tiède. Peu importe que vous ayez reçu la justification de Christ avec des transports de joie et des larmes abondantes, si vous ne vivez pas selon la justice par la suite, vous annulerez cette justification et vous la perdrez. Tout ce qui est négligé tourne à l'abandon. Tout ce qui n'est pas nourri meurt. Tout ce qui n'est pas arrosé sèche. Tout ce qui ne porte pas de fruits devient stérile. Et tout ce qui ne se multiplie pas diminue. Toute eau stagnante se corrompt. Tout ce qui ne se sanctifie pas se déprave. Tout corps laissé à lui-même se décompose. Tout ce qui n'est pas entretenu se désagrège. Tout ce qui n'est pas corrigé se pervertit. Et tout ce qui n'est pas moissonné pourrit. Tout ce qui n'est pas aéré devient vicié. Tout ce qui n'est pas naturalisé se dénature. Tout ce qui ne s'améliore pas se dégrade. Tout ce qui n'est pas protégé se fait voler, se perd. Tout ce qui n'est pas utilisé se dérègle. Et tout ce qui n'est pas purifié devient impur. Et tout se perd s'il n'est pas gardé et conservé précieusement. Voilà la vraie doctrine biblique et évangélique. Apocalypse 3:11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Hébreux 3:13-14. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3:6. Christ, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Apocalypse 16:15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le salut n'est pas seulement une décision que l'on a prise pour Dieu un jour. Le salut est le travail de toute une vie. Le salut est un dépôt que Dieu a placé en nous et qu'il nous faut garder et faire fructifier. Hébreux 2:1-3, c'est pourquoi nous, les chrétiens, devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui sont les personnes derrière les cinq « nous » de ce passage? Ce sont les chrétiens. Alors oui, de vrais chrétiens peuvent tomber dans la tiédeur, être emportés loin des choses qui les ont sauvés et se perdre par négligence et par endurcissement dans le péché. Galates 5:4. Vous, les chrétiens, êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour déchoir de la grâce, eh bien, il faut l'avoir connue. Vous êtes séparés de Christ. Une autre traduction a rendu « vous avez rompu avec Christ ». Une autre traduction a rendu « vous êtes coupés de Christ ». Une autre traduction « vous vous êtes placés dans l'inimitié de la grâce de Dieu ». Encore une fois, l'Écriture se montre d'une grande exactitude. En effet, ce n'est pas la grâce qui déchoit du croyant, mais le croyant qui déchoit de la grâce. Tant que le croyant demeure dans la grâce, il demeure en Christ et il demeure dans son salut. La grâce ne le quittera pas. Dieu l'aimera, le gardera. Il sera en parfaite sécurité. Certains chrétiens sont très joueurs. Hein? Ils ont un problème de jeu et ne le savent pas. Moi, je ne suis pas un joueur. Je ne jouerai pas mon salut éternel sur la base de quelques petits versets tordus. Plusieurs croient que ceux qui abandonnent le Seigneur n'ont jamais connu le Seigneur. Je ne crois pas à ça. J'ai entendu ça tellement de fois, je ne crois pas à ça. Je n'y crois plus. C'est peut-être vrai pour les gens qui viennent à l'église 2-3 fois pour voir ce qui se passe et qui repartent sans revenir. Mais ce n'est certainement pas vrai pour les gens qui ont fait partie de l'église pendant 5, 10 ou 15 ans. Quand Jésus dit « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu », il ne dit pas que ces personnes ne l'ont jamais connu, lui. Il veut dire que lui ne les reconnaît pas. Le psaume 101:4. « Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. » Et quand Jean écrit « S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous », il ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais connu la grâce de Dieu, mais qu'ils avaient un cœur pervers et que ce cœur pervers les a fait retourner en arrière. C'est ce que dit Hébreux 3:12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, les chrétiens, n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Que signifie la parole du serviteur impitoyable qui a reçu une entière rémission de sa dette par le Maître, sinon la représentation d'un homme qui vient d'être pardonné et sauvé? Et que signifie que ce serviteur devenu méchant voit le Maître lui reprendre la grâce qu'il lui avait donnée, le mettre à nouveau sous le poids de sa dette et le jeter en prison, sinon qu'il a perdu la grâce de son salut? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Dieu peut reprendre sa parole lorsqu'elle a été bafouée. Dieu peut rompre une alliance et briser une promesse il peut sauver et perdre, dit l'Écriture. Quand les moutons se changent en porcs, Dieu leur retire ses perles. Dieu n'est lié par quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas prendre Dieu au piège. Dieu n'est jamais piégé. Rien dans la Bible n'est inconditionnel. Une alliance est toujours contractée par deux parties. Si une partie ne remplit plus sa part, l'autre partie n'est plus liée à remplir la sienne. Les choses sont aussi simples que ça. Voilà la vraie doctrine biblique et évangélique. La doctrine du salut qui ne se perd pas vient du 16e siècle. La Bible nous exhorte à ne pas nous laisser entraîner par des doctrines nouvelles et étrangères, mais de demeurer dans les enseignements que nous avons reçus dès le commencement. Cette doctrine erronée n'a jamais été crue chez les premiers chrétiens. Nous avons par exemple les 7 lettres d'Ignace d'Antioche, et on parle d'Antioche, l'église où Paul a fait partie. Les lettres d'Ignace d'Antioche écrites en 107, qui a lui-même connu les apôtres Pierre et Jean, et où il écrit clairement dans ses épîtres que l'on devait persévérer pour ne pas déchoir du Christ et se perdre. Il est de première importance de ne pas mal vieillir et de ne pas laisser envahir son cœur par les ténèbres de la haine, du péché volontaire ou de la tiédeur. Ce sont les 3 pires ennemis du salut. Cette reconversion au mal se produit très lentement. Ceux qui l'ont expérimenté en ont eu à peine conscience au commencement. Selon qu'il est écrit, « Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 1 Jean 3:11. La haine et la tiédeur s'installent sans que nous ne les voyions. C'est pourquoi le chrétien doit toujours être sur ses gardes et veiller et prier. Luc 21:34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Le Christ nous a avertis contre l'attiédissement. Romains 11:20-22 maintenant. Ils, les Juifs, ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Mais toi, tu subsistes par la foi. On parle de qui, là, quand il dit « toi, tu subsistes par la foi » On parle bien de chrétiens, hein? « Ne t'enorgueillis point, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. » Alors, si le salut ne se perdait pas, pourquoi Paul nous fait-il ce grave avertissement? « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. » Donc, le chrétien qui retourne en arrière sera retranché du peuple de Dieu. 1 Corinthiens 9, 27 maintenant. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Une autre traduction a rendu « que je ne sois moi-même disqualifié. » La traduction King James a rendu « que je ne sois réprouvé ». La traduction Conybeare a rendu « que je n'échoue honteusement et ne rate la récompense ». Judas en est un triste exemple de ça. Paul dit « de peur ». Si le salut ne se perdait pas, pourquoi craindre? Paul dit en termes très clairs que s'il se laissait entraîner par sa chair à vivre selon la chair, il serait rejeté par le Seigneur. Alors si même des apôtres peuvent perdre leur salut, à plus forte raison le pouvons-nous? Paul redit exactement la même chose en d'autres mots lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Romains 8, 13. Philippiens 2, 12 maintenant. « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » On voit ici que le salut, c'est pas quelque chose qui est dans la poche juste parce qu'on a accepté le Seigneur un jour. Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Si le salut ne se perdait pas, pourquoi craindre? Pourquoi trembler? Une autre traduction a rendu « Travaillez à régler votre salut. » Une autre traduction a rendu « Travaillez à réaliser et accomplir votre salut. » La traduction « Godspeed » a rendu « Faites tous vos efforts pour assurer votre salut. » La traduction Williams a rendu « Travaillez à solder votre salut jusqu'au point d'arrivée. » La traduction Weymouth a rendu « Peinez instamment et par des efforts sérieux à vous rendre sûr de votre salut. » Il arrive un temps qu'à force de lire la Bible dans la même traduction, cette Bible perd sa saveur. On devient comme immunisé aux paroles qui sont écrites, on les sait par cœur, alors le par cœur entre par les yeux et ressort par je ne sais où. Alors c'est très édifiant, ça renouvelle la foi, ça nous renouvelle, c'est vivifiant de lire la Bible dans plusieurs autres traductions. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles de Dieu sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Certains diront peut-être, « Ah ben, s'ils se sont détournés, c'est parce qu'ils n'étaient pas de vrais chrétiens. » Mais de qui parle ce texte quand il dit « nous » encore une fois? Il parle des chrétiens. Il n'est pas dit qu'il s'agissait de faux chrétiens. Il ne servirait à rien d'exhorter des faux chrétiens à persévérer, pas vrai? Alors soyons logiques. 2 Pierre 2, 20-21. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Quelle était leur première condition? Ben, ils étaient morts spirituellement et perdus. Que veut dire Pierre quand il dit que leur dernière condition est pire que la première? Ben, il fait allusion à la parabole du Christ. Lorsqu'un démon est sorti d'un homme, etc., il prend 7 autres démons plus forts que lui, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est-à-dire que la damnation de cet homme est 7 fois plus certaine qu'avant, et que la reconversion de cet homme sera 7 fois plus difficile que la première s'il désirait revenir. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner. Ici, Pierre parle bien de chrétiens qui avaient apostasié et qui étaient retournés dans leurs anciens péchés. Et retourner dans le péché, c'est retourner dans les ténèbres et dans la mort spirituelle. Dans les messages précédents, il m'est arrivé d'employer l'expression « mourir de nouveau » par comparaison à « naître de nouveau ». Quelqu'un m'a dit un jour « Tu penses, toi-là, qu'on perd notre salut du jour au lendemain ?» Bien sûr que non. La déchéance du cœur est quelque chose qui se produit lentement et qui s'échelonne, parfois sur 5, 10 et 15 ans de rétrogradation. La sanctification est un cheminement et la mort spirituelle est un cheminement également. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre comment se produit la perte du salut. Hébreux 6, 7, 8 dit « Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Voici le passage qui semble en avoir été l'inspiration, Deutéronome 32, 1, 2. « Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Alors, dans ce verset d'Hébreux, Dieu sème sa parole en bénédiction pour récolter la bénédiction dans son peuple. Comme le Seigneur doit être déçu de voir que ses bénédictions produisent des épines dans certains cœurs. Voici un second passage qui montre que la perte du salut est un cheminement. Jacques 1,5. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La traduction parole vivante a rendu, celui-ci, une fois parvenu à son plein développement, enfantera la mort. La traduction Norley a rendu « quand il a achevé sa course, enfante la mort ». La traduction Weymouth « quand il a pleinement maturé, enfante la mort ». Une autre traduction « quand il a atteint la maturité, il enfante la mort ». Alors voyez-vous le cheminement que le péché nous fait parcourir avant de nous tuer. Romains 6, 21 va dans le même sens. « Quel fruit portiez-vous alors ?» Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. La parole vivante rendue, à la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue, la mort. La traduction Williams rendue, se termine par la mort. La traduction Phillips, à long terme, ces choses mènent à la mort. Voyez-vous le cheminement encore? Psaume 1,6, la voie des pécheurs mène à la ruine. La mort spirituelle est un cheminement. Ce n'est pas une guillotine qui tombe d'un seul coup et qui nous tranche la tête, mais un cheminement. 2 Corinthiens 12, 21. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Un peu plus loin, Paul dit que ces gens sont réprouvés. Réprouvé veut dire rejeté, déchu, maudit et damné. Allez voir dans le dictionnaire. Quelque chose d'intéressant ici, quand Paul dit « que je n'ai à pleurer sur plusieurs d'entre vous », le verbe grec traduit par « pleurer » est « panthéo », qui signifie « pleurer », »,« se lamenter comme pour un mort », »,« porter le deuil ». Frères et sœurs, s'il est possible de naître de nouveau, il est possible de mourir de nouveau également. Tous les passages que je viens de vous lire le prouvent. Il y a trop de passages qui montrent que le salut peut être perdu pour les tordre tous. Un vrai croyant demeure libre de retourner en arrière et de se perdre à nouveau. S'il est possible de naître de nouveau, il est aussi possible de mourir de nouveau. Jude 12 dit « Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts. » Voyez-vous? Qu'est-ce que Dieu a dit à nos premiers parents à propos du fruit défendu? « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand Paul dit aux chrétiens « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » C'est la même chose, c'est la séparation d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle dont on parle. Jacques 5, 19, 20. Si quelqu'un parmi vous, les chrétiens, s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Jacques parle d'un chrétien qui était retombé dans ses péchés, donc dans la mort spirituelle, il était mort de nouveau. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Par tradition, on applique ce verset-là aux incroyants souvent. On voit souvent ce verset écrit sur une grande pancarte devant les églises pour lancer un message aux inconvertis qui passent en voiture. Mais Paul s'adressait ici aux chrétiens de Rome, pas à des incroyants. Ce verset nous dit qu'un croyant peut mourir de nouveau. Romains 8, 13. Si vous, les chrétiens, vivez selon la chair, vous mourrez. Une autre traduction a rendu, vous marchez vers la mort. Une autre, vous êtes sur la route de la mort. Oui, un croyant peut mourir de nouveau s'il vit selon la chair. Paul reprend simplement ce qu'Ézéchiel avait dit déjà en Ézéchiel 18, 21, 24. « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. » Si le juste, par contre, se détourne de la justice et commet l'iniquité, s'il émet toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Voyez-vous, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et parce qu'il s'est livré au péché, il mourra. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la justice de Dieu ne change pas. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Voyez-vous, le verbe « mener » encore. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Le péché qui mène à la mort, c'est l'apostasie et le reniement de Christ, qui constitue le blasphème du Saint-Esprit, finalement. Lorsqu'un croyant sort de l'Église avec une attitude pareille, il a signé son arrêt de mort spirituel. C'est ici que l'on peut appliquer l'adage des premiers chrétiens, « hors de l'Église, point de salut ». Cet adage voulait dire que ceux qui avaient apostasié durant les persécutions romaines avaient perdu leur salut. Alors voilà pour la mort spirituelle. Éphésiens 5, 5 et 6. « Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. » Une autre traduction a rendu « de vains arguments ». La traduction Knox a rendu « ne laissez personne vous tromper par des promesses vides ». La traduction Phillips Ne laissez personne vous tromper sur ce point, peu importe comment ces arguments peuvent sembler plausibles. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, qui sont-ils? Ce sont les chrétiens dans l'Église qui tournent mal. Une autre traduction a rendu « aux enfants rebelles ». Une autre « aux enfants de désobéissance ». Une autre « aux enfants obstinés ». Une autre « de ceux qui veulent s'excuser de leurs péchés ». C'est très intéressant, hein? Tout ce qu'on peut apprendre en survolant les autres traductions. Galates 6, 7, 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Une autre traduction a rendu la corruption par le déclin spirituel. Une autre traduction a rendu moissonnera la destruction. Hébreux 6, 1 à 8 maintenant. Un défenseur du salut qui ne se perd pas disait « Hébreux 6, 1 à 8 est l'un des principaux passages les plus utilisés par ceux qui croient que le salut se perd. Pourtant, nous voyons là qu'il n'y a aucune déclaration claire que ces gens aient jamais été sauvés. » Alors, on va voir. Étudions le passage en question. Versets 1 et 2, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il me semble clair à moi que des personnes qui ont renoncé aux œuvres mortes, qui ont eu foi en Dieu, qui ont été baptisés et qui ont l'espérance de la résurrection des morts, sont des chrétiens. Je poursuis le verset 4. « Car il est impossible que ceux, le mot « ceux » se rapporte aux chrétiens des versets 1 et 2, qui ont été une fois éclairés. » Que veut dire cette expression? 2 Corinthiens 4, 3, 4 dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. » Donc, ceux qui ont été éclairés sont des personnes qui ont accepté la lumière de l'Évangile. 1 Corinthiens 6, 14. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le chrétien est, par définition, quelqu'un qui marche dans la lumière, donc qui a été éclairé. Alors le passage parle bien de chrétiens. Qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Céleste signifie qui vient du ciel. Qu'est-ce qui est venu du ciel? C'est le Saint-Esprit. Acte 2, 2. Tout à coup, il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il est dit qu'ils ont goûté le don céleste. Acte 2, 38 dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 8, 18, 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquierait à prix d'argent. » Le Saint-Esprit est donc le don de Dieu qui vient du ciel. À moi, il me paraît clair qu'il s'agit de gens sauvés, puisque nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit si nous ne sommes pas des chrétiens. Verset 5. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. 1 Pierre 2, 2, 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Les gens qui ont goûté la bonne parole de Dieu sont donc des chrétiens sauvés. J'aimerais préciser au passage que les mots « de la parole de Dieu » ne figurent pas dans certaines Bibles. Tout dépend des textes à partir desquels votre Bible a été traduite. Mais dans les meilleurs textes grecs originaux, ces mots s'y trouvent bel et bien. « Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. » Il s'agit des dons spirituels, je crois. Luc 4, 14. « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. » Retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Les puissances du siècle à venir sont les dons de puissance, le don de la foi, de guérison et le don des miracles. Luc 4, 36 dit « Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Les dons spirituels de puissance sont un avant-goût de la gloire et de la puissance de Dieu dans lesquels nous vivrons dans le siècle à venir. Le verset 6 dit « et qui sont tombés ». Une autre traduction a rendu « et qui se sont détournés de la foi ». Une autre « et qui ont apostasié ». Un non-croyant ne peut pas tomber et se détourner de la foi, ni apostasier de la foi, puisqu'il ne l'a jamais eu. Alors, nous sommes forcés encore ici d'admettre qu'il s'agit bien de chrétiens sauvés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Une autre traduction a rendu « soit restaurés dans leur première repentance ». Une autre « soit amenés de nouveau à la repentance ». Maintenant, s'il est possible de les amener de nouveau à la repentance, c'est qu'ils avaient déjà connu la repentance. Donc, il s'agit bien de chrétiens sauvés, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. La traduction Philippe s'est rendue, car ils recrucifient le Fils de Dieu. Un non-croyant pécheur est coupable de la crucifixion du Seigneur et un croyant qui apostasie est coupable de le crucifier à nouveau, une deuxième fois. Un non-croyant n'a pas crucifié le Christ deux fois. Il n'y a qu'un croyant qui apostasie qui le peut. Alors résumons un peu. Les défenseurs d'un salut qui ne se perd pas affirment qu'il n'y a aucune preuve dans ce passage qu'il s'agit de chrétiens. Alors moi j'en vois partout des preuves. Qui a renoncé aux œuvres mortes? Les chrétiens. Les païens ne renoncent pas à leurs péchés. Qui a eu foi en Dieu et qui a été baptisé? Les chrétiens. Les païens ne croient pas en Jésus et ne se font pas baptiser. Qui a l'espérance de la résurrection des morts? Les chrétiens. Les païens ne croient pas à la résurrection des morts. Qui marche dans la lumière? Les chrétiens. Les païens marchent dans les ténèbres. Qui a goûté le don céleste? Qui a eu part au Saint-Esprit, sinon les chrétiens? Les païens ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit, en Jean 14, 17, « l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir ». Qui peut goûter la bonne parole de Dieu? Ce sont les chrétiens. Les païens ne lisent pas la Bible. Qui peut opérer les dons spirituels de puissance? Les chrétiens. Qui a l'espérance de la gloire à venir, sinon les chrétiens? Alors tout ce passage prouve, sans l'ombre d'un doute, qu'un vrai chrétien peut apostasier et perdre son salut. Je vais citer maintenant une longue liste de versets qui parlent de la perte du salut, qui a le mot « perdre » dedans là. On nous dit l'expression « perdre son salut » ne paraît pas dans les Écritures. Mais par contre, moi je dis les expressions « se perdre » ou « perdre son âme » sont bel et bien présentes. Si l'expression « perdre son salut » ne se trouve pas dans la Bible, par contre, il se trouve un paquet de synonymes qui veut dire la même chose. Proverbe 6, 32. « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Ézéchiel 22, 26, 27. « Ces sacrificateurs ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie, et ils répandent le sang et perdent les âmes. Jacques 4, 12. Je vous encourage à prendre note de tous ces versets-là et à les conserver. Jacques 4, 12. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Dieu peut sauver ceux qui étaient perdus et perdre ceux qui étaient sauvés. Luc 17, 33, Jésus s'adressait à ses disciples. « Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. » Une autre traduction a rendu « Celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. » Alors, ce qui équivaut à perdre le salut. Hébreux 10, 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » Elle est ici, la perte du salut. « Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Certains disent « Ah bien, s'ils se sont détournés, c'est parce qu'ils n'étaient pas de vrais chrétiens. » Pourquoi toujours employer ce vieil argument usé? Le mot « nous » parle bien de chrétiens. S'il s'agissait de faux chrétiens, pourquoi les exhorter à ne pas se perdre, puisqu'un faux chrétien est déjà perdu? Soyons logiques. Matthieu 5, 13 « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. » Matthieu 10, 28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, 39 « Celui qui conservera sa vie la perdra. » Matthieu 16, 24 et 26 « Alors Jésus dit à ses disciples, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Gagner le monde au Seigneur et perdre son âme. Ben, il y en a beaucoup aujourd'hui des prédicateurs qui sont tombés dans la cupidité, l'amour de l'argent et dans l'adultère, et qui continuent à faire du ministère quand même et à amener des gens au Seigneur. Ils gagnent le monde, mais perdent leur âme. Luc 9, 24. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Selon le langage biblique, on ne peut pas se perdre quand on est déjà perdu. Comment un homme peut-il se perdre s'il n'a pas déjà été sauvé auparavant? Comme Jésus parlait à ses disciples, eh bien, il parlait à des gens qui étaient sauvés. En d'autres mots, que servirait-il à un évangéliste de gagner le monde entier au Seigneur s'il perdait lui-même son âme? Voilà ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples ici. Amener des gens au Seigneur ne garantit nullement notre salut. Luc 15, 24. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acte 8, 13 et 20. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Romains 14, 15. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour qui Christ est mort. 1 Corinthiens 8, 10, 11. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Philippiens 3, 18, 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. 1 Timothée 6, 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 2 Pierre 2, 1 et 12. Comme il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, ils périront par leur propre corruption. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur use de patience envers vous, les chrétiens, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jude 1, 5. Je veux vous rappeler à vous, les chrétiens, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Périr de corps et d'âme. Jude 1, 11, 12. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Hébreux 10, 38, 39. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Lorsque le Seigneur dit « mon juste », il parle de quelqu'un qui lui appartient. Il s'agit bien d'un chrétien qui se retire et se perd. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous qui, nous les chrétiens? Dans les Écritures, le salut est présenté comme une situation dans laquelle on peut entrer, demeurer et sortir. Le salut est reçu par la foi en Jésus-Christ, et c'est en persévérant dans la foi que nous y demeurons. Jérémie 17, 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. En conclusion, eh bien, laissez-moi vous dire une seule chose, les amis. Les doctrines fausses viennent des versets tordus, et les versets tordus viennent des cœurs faux. La doctrine du salut qui ne se perd pas n'est pas biblique, ne l'a jamais été. C'est une doctrine inventée et pernicieuse qui porte au relâchement, à la tiédeur et à la perte de beaucoup d'âmes. C'est une doctrine qui perd les âmes depuis 5 siècles. Il est de prime importance que les chrétiens secouent cette vieille doctrine d'hommes et retournent à la vraie doctrine biblique. Je termine avec ce texte, 2 Pierre 1, 16. Je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas vous attacher à des fables habilement conçues, mais à vous attacher à la parole de Dieu. Amen.